tant la vie, un petit sourire qui a fait plaisir. Elle est moins vine, c'est ainsi qu'est moi, la fin de l'âme remplie. I'm